de l'envers, c'est comme ça. Ça réfléchit plus pareil après deux barres de seum. Sa voix, ça fait les fous, mais ils sont bizarres tout seuls. Mais on reste des humains, on a besoin de douceur. Parfois on quitte la ville, mais on veut revenir au secteur. Mais c'est plus pareil, ils sont partis les gens avant. T'es libérable, y'a des nouveaux arrivants. Les petits frères, ils veulent guetter, ils feraient tout pour le ghetto. Quitte à se faire péter, et ça, ils le savent très tôt. C'est plata au plomo, mais toi par terre, vide la caisse. On fait partie des ratpis qui n'écrans pas tout à caisse. Sont attirés par le sexe et tous ces burhamesh. Eux, ils ont plein de ralbich, ils veulent prendre tout quand c'est blèche. J'en ai les poumons depuis petit, on me fuit. Talent gâché, j'savais pas quoi faire de ma vie. Chez nous, y'a des pépites qu'on finit les flics au cul. En prison pour des années, la même routine n'est pas lue. Si que je m'en c'est la mi, folle, si que je m'en c'est la base. Si vous savez que ça vient du cerveau à Naples, les vrais ratus la des qui s'emballent du showbiz. Qui préfère rouiller ici que faire un showcase à Naples. Mais elle est où celle qui t'appelait mon bébé? Toi t'étais chez les blues, mais pas chez Dumbaba. Moi je vais prendre un vol, peu importe où j'atterris. Mais très loin de ces fils de pute qui font des Janterry. Solidaire, ça c'était avant, même les alliés vont fêter. Ça nous faisait mal au cœur de réclamer ce qu'on a prêté. Mais ça changeait plus l'époque, c'est pour ça que non les chocs. Qui t'a laissé sur le côté, c'est vrai piston à pas bon. Tu voulais faire la fête, c'était l'hiver, t'as fini aux arrivants. C'est plus pour la mif, l'argent que tu fais, toi tu veux que plaire aux gens. Tu voulais faire la fête, c'était l'hiver, t'as fini aux arrivants. C'est plus pour la mif, l'argent que tu fais, toi tu veux que plaire aux gens. Je rêve toujours d'un bolide, un MG60 trop. Pas changé, c'est l'allemand, il reste tout. Va par la famille, dis-moi vélo, il reste quoi. Quand t'arrives à malheur, tu vois, c'est mouillé par tous. C'est le son et c'est la ratusserie. Pour l'enfer, on a un raccourci. C'est pas les fous, ils prennent des matusas. C'est pour mes petits relais vaillants, les gratteurs sur le coussin. On t'envoie la frappe de sang, qu'est-ce t'en dis? Les photos qui rentrent en zonzon, c'est ce qu'on vit. Les meufs qui sentent la muerte, c'est ce qu'on fuit. Petite princesse odeur de bonbons, c'est ce qu'on fuit. Tu voulais faire la fête, l'été, l'hiver, t'as fini aux arrivants. C'est plus pour la mif, l'argent que tu fais, toi tu veux que plaire aux gens. Tu voulais faire la fête, l'été, l'hiver, t'as fini aux arrivants. C'est plus pour la mif, l'argent que tu fais, toi tu veux que plaire aux gens. Tu voulais faire la fête, l'été, l'hiver, t'as fini aux arrivants. C'est plus pour la mif, l'argent que tu fais, toi tu veux que plaire aux gens. Tu voulais faire la fête, l'été, l'hiver, t'as